le second me dit: Bougresse, on ne nous parle pas comme ça. La la la, la la la. Je lui dis: mon petit ami, prends-toi ça dans les glas, oui. Moi, il faut pas me chercher quand je vais me confesser. Je reprends mon chemin, le troisième est déjà loin. La la la, la la la. Ainsi sont tous les garçons, pas bienveillants, un peu cons. Je vais aller me consoler avec monsieur le curé. Ainsi sont tous les garçons, pas bienveillants, un peu cons. Avec monsieur le curé.